fil des années, le RMI, devenu pour certains une trappe à inactivité, l'IFRAP, l'Institut français pour la recherche sur les administrations publiques, s'est fait une spécialité de pointer du doigt les effets pervers des politiques publiques. Pour Bertrand Nouel, responsable justice et emploi à l'IFRAP, les minima sociaux ont effectivement leurs limites. Deux constatations. La première, c'est que si vous ajoutez au RMI les droits connexes que sont la location de rentrée scolaire, la prime de Noël, la CMU de base, la CMU complémentaire, les avantages fiscaux, la tarification spéciale du téléphone, etc. Il y en a beaucoup, la carte orange récemment, vous obtenez un chiffre qui est supérieur au SMIC. Donc il y a là un véritable problème. Et en plus, si j'ajoute proprement parler les effets de seuil, c'est-à-dire il faut gagner jusqu'à un certain niveau, et puis à partir du moment où je gagne un niveau, je perds complètement une allocation. Par exemple, c'est le cas de la prime pour l'emploi, ce qui fait qu'on n'a pas intérêt à travailler tout court, et d'autre part, il y a des effets de seuil qui font qu'à un euro supplémentaire, j'en perds en réalité une centaine. Mais en résumé, vous pensez, Bertrand Nouel, que la solution n'est pas encore pour vous d'augmenter les minima sociaux. On est arrivé au bout d'un système, selon vous, et qui n'a pas montré toute son efficacité. Je pense effectivement qu'on est arrivé, pas au bout, mais en tout cas à un tel niveau des minima sociaux, que ce soit le SMIC ou des minima de remplacement que sont le RMI. N'est-ce pas, le RMI, avec tous les droits annexes, connexes, a rejoint le SMIC. Et le SMIC est très près du revenu médian. Et donc, c'est pas ça la solution. La solution, c'est l'emploi. L'emploi est toujours l'emploi. Et c'est pas en augmentant les minima sociaux qu'on va résoudre le problème. Bertrand Nouel, quand on parle des minima sociaux, qu'il s'agisse du SMIC, qu'il s'agisse du RMI, et de tout ce qu'il y a de connexe, j'ai évidemment l'impression qu'on a des usines à gaz. Est-ce que l'on pourrait imaginer, tout simplement, quelque chose de plus lisible et de tout aussi juste et de tout aussi dynamique? Oui, c'est comme tout, c'est-à-dire comme la simplification du droit social ou la simplification du droit fiscal. Supprimer toutes ces usines à gaz, il faudrait le faire. C'est épouvantablement compliqué. Et puis c'est source d'épouvantables sanctions sociales, évidemment. Enfin, dans une société, une classe moyenne qui s'appauvrit, c'est quand même aussi un souci, non? Alors, oui, mais une classe moyenne qui s'appauvrit, je ne vais pas être d'accord avec vous. En 35 ans, vous avez un pouvoir d'achat qui est doublé. C'est quand même extrêmement important. Et d'autre part, en ce qui concerne le SMIC lui-même, donc j'ai les chiffres concernant l'augmentation depuis 1980, et ces chiffres-là montrent aussi qu'il y a une augmentation, même ne serait-ce qu'en 6 ans, de 50% quand même. Donc il y a certainement un sentiment de pauvreté qui est très important. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de pauvreté, mais évidemment il y a un certain nombre d'autres facteurs qui interviennent, comme la pertinence du panier de la ménagère, par exemple. Autrement dit, nous avons des augmentations plus fortes en loyer, dans des biens essentiels, des énergies peut-être, que pour l'écran plasma, etc. Il est frappant de constater qu'il y a 51 millions de téléphones portables, et Dieu sait si ça coûte cher un téléphone portable. Et par conséquent, il y a des dépenses qui sont jugées absolument essentielles et qui appauvrissent forcément les gens. Ce que vous mettez dans un téléphone portable, vous ne le mettez pas dans un loyer. Ce qui ne veut pas dire que les loyers n'aient pas fortement augmenté. Mais justement, Bertrand Nouel, il est frappant de constater depuis 2-3 ans, notamment, qu'il y a un certain nombre de Français qui travaillent et qui sont SDF, qui n'ont pas de domicile. Oui, alors, il y a une demande de logement absolument énorme qui provient aussi d'une augmentation très importante des sols, ce qui ne simplifie pas le problème. Et vous avez notamment, en 5 ans, 14,5% de ménages seuls en plus, alors que les ménages dans leur totalité n'ont augmenté que de 3 à quelques pourcents. Donc, il faut faire un gros effort sur le logement, ce que fait le gouvernement, mais avec les difficultés qu'on connaît.